Mais non, mais tu continues à droite, OK? Et puis là, tu vas voir la lumière. Mais là, c'est pas la lumière. Tu tournes pas à la lumière. Tu tournes avant la lumière. Bon, c'est pas éclairé, là. C'est une lumière éteinte. Ouais, ben, une veilleuse, ouais. Bon, ben là, tu vas court-circuiter la veilleuse, mais surtout, mets pas ton doigt sur le poteau. Parce que tu sais que les poteaux sentent l'humain, sentent l'urine, l'urine de brebis. De brebis. Le monsieur... de l'urine de... Non, pas du... Oui, ça sent l'urine. L'urine de Bethléem. Mais monsieur, l'urine de Bethléem. OK. Non, ça sent drôle. Ah oui, c'est rigolo. Non, ça sent l'urine de chien. Comment ça? Un poteau égale un chien. Oh. Quoique, il y a des poteaux qui sont... Il y a des chiens qui sont pas des poteaux. Non. J'ai pas dit qu'un poteau représentait un chien, mais normalement, là, à chaque poteau, un chien va uriner. Même s'il a pas envie, là, il lève la patte. Ouais, mais il urine pas. Non. Ben, pourquoi ça sentirait l'urine? Il urine pas. Non. Imaginez-vous, il y a combien de millions de chiens, là? Ah, il y en a trop. Bon, ben non, il y en a... Les chiens sont nos amis. Oui, les chiens sont nos amis. Bon, les animaux sont nos amis. Et puis, à un moment donné, sur ce poteau-là, il y en a un qui va se relaxer. Ah, il va s'endormir. Ah, ben oui, moi, régulièrement, là, lorsque je m'arrête devant un poteau, là, je m'endors. Ah, je pensais que tu urinais. Oui, mais ça, c'est à quatre personnes là, autour du poteau. Normal, tu places un garçon, une fille. Un garçon, une fille autour du poteau, puis tu tournes autour du poteau. Poteau, poteau. J'ai pas ma caraquette. J'ai perdu mes caraquettes, Jean-Luc. Où l'as-tu mis? Ben, tu te souviens de la dernière émission? Eh, hey, monsieur. J'ai eu un mal d'Oscar. D'Oscar, ben oui, j'ai eu un Oscar. Ben voyons donc. Non, un record. OK. 32 mots en 2 secondes, et ça fait abadang. Le puis toi, tu as des onomatopées que je ne connaissais point. Ben, règle générale, les onomatopées. Oui, c'est qui ça? C'est Jacqueline. OK. Jacqueline, continue à faire ta chose. Ah, mon Dieu. Il manque de poivre, bon. Mets du sel. Ben oui, mais du sel, c'est pas du poivre, c'est vrai. Mets de la vinaigrette. Ben oui. Pour remplacer le poivre, on met de la vinaigrette. Ben, ça va avoir un petit goût de revenez-y. Non, on n'y reviendra pas. Ça épaissit la sauce, puis ça ramollit la boulette. Oh! C'est pour ça que j'ai la tête un peu molle. Ah oui, c'est... C'est la vinaigrette. Je me lave les cheveux avec la vinaigrette. Ah, ça fait un cheveu clair, hein? Non, ça fait un gofou. Un gofou. Un gofou. Je connais pas ça, les gofous, moi. Ben oui. Un garçon. Oui, un garçon. Fou. Ah, oh, OK. Une personne folle. Une personne folle. Ça fait que... Vive le Québec. Vive le Québec libre. Hey, ça, c'est bon. Hein? Ça nous remet sur le... Oui, on n'a pas de caraquette. Ça arrête la caraquette. Il n'y en a pas. On n'en trouvera pas. On peut pas en acheter. Il est trop tard. Regarde-moi l'heure, là. Si tu pourrais préparer tes affaires avant, là, on pourrait évaluer ce qui manque pas, ce qu'on n'a pas, ce qui va pas. Mais non! Dernière minute, mais il sort toutes ses affaires, puis là, on regarde ça sur place, là, 2 secondes avant d'ouvrir le micro. Hey, c'est champion, ça! Hey, on a la recherchiste, hein? Marianne Baribault, la belle Marianne Baribault qu'on a embauchée pour son grand talent, son sens de l'initiative et surtout... Mais non, OK. Dis-le pas. Dis-le pas, ça va la gêner, puis elle aime pas ça, elle rougit, puis elle a... Ah, regarde-moi les petites bajoux, là. Ah, ça, c'est... Sa petite moustache commence à friser, là. Il y a Moustapha Tremblay. Hein? Bon, mais ce cher monsieur, on l'a mis au micro. Marine-toi, il a oublié le micro. Hey, il y a juste une chose à réfléchir, lui, Moustapha, c'est d'amener le micro. Là, on lui a dit, regarde, c'est écrit 1, là. Regarde le chiffre 1. Non, regarde, on te le montre, là, c'est le 1. Je connais pas ça. On veut t'initier à la technique. Je suis pas bon. Mais comment ça, t'es pas bon? On va te suivre. On va te tenir par la main. On va faire comme un enfant qui apprend à marcher. Hein? Pas à pas. Je connais pas ça. Mais non, tu connais pas. C'est normal. C'est normal. Prends une grande respiration. Pas capable. Bon, et lui, il est né dans le pas capable. Sa vie est pas capable. Ça vivra pas vieux. J'espère que ça vivra pas vieux, Gaétan. Regarde-moi ça, pas capable, ou c'est fort. Regarde, il a dit c'est le 1, tu te branches sur le 1. Tu sais c'est quoi le 1? T'as compté jusqu'à 1 dans ta vie, toi, là? T'as eu un an? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continue. Bon, on va continuer. Allez, 20 janvier, j'avais 20 janvier dans mon étoile, ma ciboulette joyeuse. J'avais 20 boulettes dans ma tête. Hey, soit de la boulette, c'est quoi? C'est pas de la marmite non plus. Tu sais, on place ça dans le linge, là, c'est des mites. Non, de la boulamite. Ah, de la boulamite. J'en ai sucé 3 boulamites dans ma vie. Puis regardez ce que ça fait. Ça fait des beaux, dites bonnes émissions. T'es déjà pas mangé? Non, j'ai juste sucé. Oh! Ouais, tu sais, comme un bonbon. Ben, tu peux dire comme un suçon. Ben, oui, il est sucé comme un suçon. C'est ça. Alors, hey, le 20 janvier 2012. 20 janvier, déjà 20 jours. Puis on est passé au travers. Parle pour toi, là. Puis encore là, je suis pas sûr, on va évaluer. Ben, évaluer quoi? Le public sait ce que je veux dire. Comment ça, le public sait? Hey, c'est moi l'animateur. Puis je... Non, tu peux pas savoir. Ben voilà, hein, c'est ça, un autre Mustapha. Pas capable. Ben, comment ça, je peux pas savoir? Je veux savoir. Ben, tu sauras pas. Ben, t'as un signe d'intelligence, ça, savoir? Je sais pas. OK, ah ouais, mon intelligent. Alors, Monsieur le Président... Mettre l'écho, Jean-Marc. Bon, merci. Lui, il sait comment. On dit pince sa pitoune. Il connaît la pitoune. Merci, mon Jean-Marc. Ben oui, l'ami, attends, peux-tu m'arrêter ça? Oui. Moi, je vais te raconter pourquoi je connais ça, la pitoune. Ah, non, il va. L'ancien maître draveur. Ben oui, voilà. J'ai roulé, moi, là. Hey, on était sur le fleuve Saint-Laurent. Oui. Le fleuve Saint-Laurent, sais-tu comment c'est grand, le fleuve Saint-Laurent? Le fleuve Saint-Laurent, c'est. Au moins 2 terrains de soccer. Plus de soccer que ça. Oh! Alors, faut évaluer le soccer. Attends un petit peu, on va... Marianne, peux-tu nous dire combien de soccer, là? Où êtes-vous? Pardon? Pardon, attendez, là. Qu'est-ce que tu penses? Où êtes-vous? Ah, nous... OK! Ah, ben là, on est sur le terrain de soccer. On évalue les soccer. Il y en a des soccer sur un terrain de soccer. Ben, normalement, c'est l'endroit idéal pour avoir des soccer. Sur quoi? Ben, sur le terrain. Hey, c'est vrai. Pas penser à ça, moi. Est-ce qu'il faut les étaler vers le long ou vers le large? Ben, ni long ni large, ni haut ni bas, ni chaud ni froid. Ni chaud ni... ni chaud ni froid. Excusez-moi, c'est un rire. Nous autres, la machination, on la voit puis on la sent. Oh, et puis? Ah, ça se voit et ça se sent. Et quoi? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Boo, boo, boo, boo, boo. Amen. Boo, boo, boo, boo. Amen. Boo, boo, boo, boo. Amen. Amen. Amen. Et malheureusement... On a dû quitter le terrain soccer, sais-tu pourquoi? Ben, on était sur le terrain, mais on a dû partir de là parce qu'il pleut. Et la foudre peut nous frapper. Ça nous a déjà arrivé. On a fait une émission en plein air, là, il y a quelques années. L'animateur a eu un coup de foudre. Oh, pour qui? Pour une spectatrice. Pas vrai! Oui, monsieur. Oh non! Oui, madame. Ah, c'est vrai! Mais c'est vrai, on vous le dit que c'est vrai! Pourquoi on vous compterait des bobards, là? C'est pas le moment de compter. Vous êtes pas à l'émission des bobards ici, là. C'est pas les bobards s'amusent. Non, ouais, c'est quoi? C'est les rénalités s'envolent. Oh! Dans le ciel, qu'on voit voguer le long des golfes clair. C'est comme des cerveaux lents, ça. Oh, ben là, pour être lent, c'est lent pour faire cette émission-là. Ah, ça prend 2-3 ans. enregistré 2-3 minutes, puis encore là, on garde pas tout. Comment ça? Ben, arrête de... Toi, là, je vais te dire une chose. Dans ta... On nous a, en 2011, dit qu'il y avait beaucoup de reprises de mots. Comment ça? Comment ça? Arrête de poser ces questions-là, puis dis pourquoi? Pourquoi? Ce serait bien mieux pourquoi? Parce que... Parce qu'on peut pas dire autre chose que ça. Monsieur le Président, OK. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue. Bien, merci. Bienvenue. Allô? Madame? Monte-le. Oui, on va le monter. Madame? Mais ça à 10. Ben, 10. Oui, allô? Madame? Ça sonne? Ça, c'est Madame Babon? Ah, non, pas Madame Babon. Ferme la porte. Ferme la porte. Non, ben... Ferme la porte, elle est déjà fermée, là. Elle sonne, c'est pour qu'on ouvre la porte. Comment ça, ferme la porte, elle est déjà fermée. Oh, OK. C'est pas... Hey, ça, là, je pense que l'émission sera pas des plus intéressantes. On s'excuse infiniment pour le public qui s'imaginait... Regarde-moi la belle Résilia. Oh, Résilia, oui, elle était résiliée. Oh, non. Elle avait préparé du maïs soufflé. Oh, elle s'éclatait. Avec le maïs. Quoique... Elle aussi, à maïs. Non, c'est à maïs. OK, à maïs. Alors, non, elle avait tout préparé ça avec son extra beurre. Elle aime ça mettre du beurre sur son maïs soufflé. Oh! Plus c'est beurré, plus c'est bon. Parce que ça, la digestion... Puis si ça reste coincé dans le gorgoton, grâce au beurre, le maïs va tomber tout seul dans le ventre, dans l'estomac. Puis si t'en mets pas, ça peut freiner. Là, tu dis, j'aurais dû mettre du beurre. Puis là, les filles, hein? Ah, ben là, du beurre, ça fait engraisser. Oui, mais ça sauve des vies, madame... Mais pas de beurre, tu vas voir que... Oh, yo, j'aurais dû mettre du beurre. Ah! Ah! Ah! Ah! Où êtes-vous? On est mort! Oh, on est mort. Monsieur le Président, excusez-moi. Prendre... je suis étouffé moi-même. Ah, oui, monsieur. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, c'est la première fois à Grand Srinadienne, dans la deuxième, que je prends une gorgée. Normalement, j'en prends pas de gorgée. Je fais ça ride the through, run the brew. Oh! C'est quoi? Ride the through, run the brew. Oh! Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas le décodeur? Si vous êtes membre de CKRL, le décodeur est inclus. Vous faites pénétrer dans votre radio. Ah, mon, encore une histoire. Ben oui. Une histoire d'amour, comme un beau jour, comme une histoire qui reviendra. Quand je serai avec toi, l'eau, je serai là. On comprend rien. Avec le soleil, avec le cœur de l'histoire, mon amour. OK, mais c'est ça. C'est pas autre chose, Madame le Président. Monsieur le Président, Madame le Président. Madame le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous aviez le temps. Si vous avez le temps, c'est pas bien. OK, Ave. Ave Maria, lavez-vous les uns les autres. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, oh, lavez. Madame les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. On peut pas tout, non. Avec moi-même, à errance rénaldienne, merci. Avec votre court-circuiteur de réalité ou de réalisme, Rénald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, on le dit souvent, là, mais la semaine dernière, on a été contacté. Quand? On a été contacté. Par qui? Par un contact. Eh bien, c'est une maudite bonne idée d'être contacté par un contact, sinon... On ne l'aurait pas été. Oh, et puis... J'ai un message à dire à tout le monde, mais on peut pas le crier, donc je vais le chouchouter. Oh, chouchou. Alors, je la chouchoune. Attention. Mais ok, merci. Attention. Facebook. Je répète. Facebook veut manipuler vos informations. Dans manipuler, il y a nipuler. Nipuler. Nipuler moins qu'une voleur de passion. Vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Ça, c'est ceux qui sont en haut. Oh. Parce que ceux qui sont en bas, c'est les... Les imbéciles. Oui, c'est nous. C'est nous? Ben oui, nous sommes des... Des terriens? Non, des imbéciles. Qui viendront vous chercher? Qui sont? Les imbéciles. Pour éditer vos entités à volonté. Non! OK, excusez-moi. Il y a donc, qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Oh! Il y en a combien de Rénal Gagné? Trop. Trop? Ils se promènent partout. Ils se promènent partout! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Ah ouais, crache-moi ça, mon lama. Votre itinéraire engagé, Rénal Gagné. Oh, fais sécher la feuille! Fais sécher la feuille! Aujourd'hui, le vendredi 20 janvier 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien Mike. Mickey Blow. Oh. Mickey Blow a joué avec Johnny Thunders. Johnny Thunders, jump me through. OK. Ensuite, avec Little Bob, encore aujourd'hui avec Little Bob, en tournée mondiale. Dead 60, Inc. Qui? Dead 60, OK. Chris Long, Steve Butters, The Fresh Tone. Oh. Elliot Murphy, Chris Bailey, Marie-France et Tony Allen. En juillet 2011, Errance Rénaldienne rencontra avec joie ce grand musicien humaniste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui, alors place aux mots, place au lyrisme rénaldien, place à l'envoûtement et en avant la zizik! Little Bob, en direct à CKRL au 89.1 à Québec! Tomorrow, what I'm telling tonight, 'cause you missed too much. 'Cause much. You miss too much. You miss too much. You miss too much. You miss the Stooges, Sorrows, Tears, Velvet, Amplify. You hear those climbing rubies, dust in locks and more. Alors, vous adorez faire des tournées plein air, là. C'est pas facile au niveau du son. Non, ça c'est ça. Non, c'est bien dans des salles. OK. Mais après, c'est chacun qui emmène ce qui s'est passé, puis ça explose le plafond et ça sort partout. C'est incroyable. Et ça se dilue dans l'espace, quoi, dans l'univers. C'est un message à l'univers. Chaque coup que tu montes sur scène, c'est... Enfin, pour moi, c'est comme... C'est très cérémoniel, quoi. C'est une vraie cérémonie. Ah oui, c'est... Il y a tout un rituel et c'est... C'est spirituel. Ah, énormément. Ouais, je suis très, très mystique à ce niveau-là. C'est vraiment... Est-ce que tu composes? Est-ce que tu écris des textes? Ouais. Prépares-tu un album personnellement ou... Je prépare des trucs perso, ouais. Un album? Ouais. Ça, je sais pas quand ça va être fait parce que c'est des trucs un peu space, mais c'est vraiment ma vision personnelle totale de l'histoire. De la musique. Voilà. La vision singulière. Voilà. Alors, il y a des textes qui sont en français, okay. Des textes en anglais, okay. Des textes en sango, la langue de chez moi. Oh, ah oui? Ouais. Et les gens qui vont jouer, c'est des potes, des amis? Je sais pas. Okay. Là, pour le moment, j'ai fait des premiers trucs, premières ébauches avec des machines. Ah, ce serait plus synthétiseur. Mais parce que j'ai pas les gens, quoi. Je cherche des... Petit à petit, il faut que je trouve des percus, des batteurs. Mais c'est un projet, donc... Ouais. C'est dans un tiroir que tu ouvres régulièrement et Alors, tu ben, j'écris les chansons, je branche les gens, je suis en train de monter l'affaire, trouver l'ingénieur du son déjà qui va m'aider. Ah, mais c'est déjà même quand même si assez avancé. Même si je fais ça avec des... Parce que moi, le truc, c'est de trouver quelques musiciens et enregistrer des loops en studio. OK. Juste des loops. OK. Avec des vrais. Oui, je comprends. Puis après, ça amener ça sur scène. Voilà. Oui, effectivement. Mais c'est la meilleure chose à faire, ça coûte moins cher aussi. Voilà. C'est une question de budget. Malheureusement. Tu es obligé de jongler, trouver les... Alors, j'étudie toutes ces solutions-là pour, dès que ça va s'ouvrir un peu, j'ai avoir le temps et l'opportunité de vraiment me consacrer à ça à fond. J'y vais. 2012? Il n'y a aucune date? Aucune date. Toi, pour toi? Aucune date. Ça peut être à la fin de l'année, si les choses se précipitent. Ça peut être, j'en sais rien. J'ai les chansons qui sont prêtes, j'en ai plein d'autres. C'est des trucs un peu strange. Il y a de tout. Mais quand je vois ta carrière, c'est incroyable. Je lisais sur toi, j'étais avant de te rencontrer pour être préparé, et je me disais, c'est un vagabond de la musique. C'est un aventurier. Un aventurier, un type qui s'amène avec sa besace et qui se promène. Tu vois, comme dans les westerns. Oui, mais c'est ça, John Wayne. Voilà. Le John Wayne français. T'as Django, il se plante. Ou Johnny Cash. Voilà, c'est ça, mais c'est ça. T'es le mec qui se plante, qui règle l'affaire et puis qui repart. Mais surtout, quand je te vois, t'as le sourire, t'as la joie de vivre, t'es un mec... Attends, c'est ça la musique. Je veux dire, si toi t'as pas la joie de vivre, qu'est-ce que tu vas transmettre aux gens? Eh ouais, non mais il y en a qui font la gueule, hein, que leur présentation... Ouais, en général, c'est pas très marrant ce qu'ils font. Non, effectivement. T'as, ça te donne pas envie de... Non. Bon. Il faut aussi... Être souriant et se donner à fond. Il faut être naturel. Ouais, faut aimer la vie. Ouais. Et t'es un amoureux de la vie? Moi, j'adore la vie. Moi, j'adore, c'est un truc génial. Mais tranquillement, quand tu vois tes musiciens copains s'en aller, mourir, ça... Ça fait partie de la vie. Oui, mais aussi jeune, hein? Aussi jeune. C'est comme ça, tu peux rien y faire. Non. Tu peux dire, putain, merde, tu fais chier, sale con. Oui, c'est ça. Hey, je te verrai plus. Hein. Foiré, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Pourquoi t'es con? Oui. C'est ça, moi, je les engueule. Okay, ah oui? Okay, mais c'est ta façon c'est de... Foiré, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, quand tu composes en français, en anglais, en toutes les... Toi, c'est français, anglais et... Sango. Ouais. Thank you. Après la chanson, ben c'est l'émission, puis ben c'est toujours l'émission, pas à depuis, avant, puis après. Allô? Allô, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça, merci beaucoup. Et vos enfants? Mes enfants. Vos enfants vont bien? Mes enfants? J'ai... Monsieur? Oui? J'en ai pas. Vous avez pas quoi? D'enfants. Ah, mon doux, mes sympathies. Ah, ça me fait plaisir. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil. Grandes nouvelles. Hé, hey, monsieur, hein? C'est... Ouais. On l'aime ça. Et c'est comme à Laurent Garros. Oh, pas Laurent. Laurent. Oh, comment ça va, mon Laurent? Ça va très bien, merci. Monsieur Laurence. Monsieur Laurence lui-même en personne. Ah, une nouvelle... Bref, cessons les traductions et entrons dans l'encre de l'oncle Buck. On peut-tu rentrer? Ben, frappe avant. Hello? L'encre de l'oncle Buck? Oui, après. Après, ben, après avoir frappé? Ouais. Monsieur, attendez, rentre dans... Allô, monsieur de l'encre Buck? Ouais. Oh, mais est-ce qu'on peut rentrer dans l'improvisation immédiatement? Êtes-vous prêt? Ouais. Ça fait peur. Hein? Êtes-vous seul? Ouais. OK. Attends. Ah ouais, la phrase coup de poing. Êtes-vous 250 000? Ouais. Dans votre tête? Ouais. Hey, mais 250 000 dans sa tête, hey, ça fait du monde, hein? Alors, vous avez une corpulence assez volumineuse, hein, monsieur? Hein? Ouais. Bon, on dirait une brebis. Êtes-vous une brebis? Hein? Ouais. Ben, il peut être aussi une brebis, hein, s'il y a 250... Je ne sais plus, moi, là. OK, on y va. La phrase à Bukowski, il est-tu dans le coin? Non. Comment ça, il n'est pas dans le coin? Il était... On l'avait invité? Non. Oh, oui. C'est un boomerang. Oh, ça va et ça revient. Bon, la phrase, pourquoi tu dis ça? Ben, je veux me concentrer, moi, là. Je veux faire une relaxation de mon épiderme afin que mes papilles gustatives émanent un son. Eh, monsieur, il veut faire parler ses papilles. Ben oui. Oui, monsieur Tremblay, c'est pas parce que vous êtes incapable. Oui, ben, c'est mon épouse, hein? Votre épouse est incapable. Non, c'est elle qui me le dit. Que? Que je suis un incapable. Je suis... Bon, ben c'est bon, ça. Au moins, vous êtes là. Ben, là. Encore là. OK. Première phase, c'est... J'enveloppais... Oh, c'est... Faites coucher. Faites coucher qui? Faites coucher les gens. Les gens, couchez-vous. Ah, mon dieu. On va faire un vol plané. Endormez les enfants. Enlevez vos bas, madame. Enlevez vos souliers, monsieur. Retirez tout ce qui peut amener une senteur là, pour endormir les jeunes enfants. Ben oui, mais là, à 1 heure, quelle heure est-il? Vous ne me ferez pas croire qu'à 1h10 du matin, les enfants ne dorment pas. Wow! Les insomniaques. Mais les insomniaques, écoute pas cette émission-ci, là. Ils sont concentrés à compter des moutons. Oh, mon Dieu. Là, des moutons, après ça, ça va faire du ménage à faire. Parce que quoi? Ben, ça perd sa laine, le mouton. Ah? Bon, ben, je crois pas, moi. C'est si t'attends pas, si t'attends pas qui? Ben, si t'attends pas, si tu t'attends pas le mouton. Ah, oh, mon Dieu. On va compter la brebis. Bon, ben, compte la brebis, les moutons, peu importe. Là, les enfants, non, Master là, OK, on y va. C'est Bukowski, hein. C'est pas Renald Gagné. Appelez pas ses CQRL. On veut pas payer, surtout, je suis qu'un innocent. Eh, hey, ça, on le sait. OK, non. Non, écrivez-moi pas à Renal Québec en commercial.com. Ben, t'as bien peur de le dire. Ouais, on y va. J'enveloppais ma bite ensanglantée dans une serviette et téléphonais au médecin. T'as-tu le numéro du médecin? Oui, on l'a dans le mémorium. Bon, ben vas-y, ouvre la page du mémorium, puis trouve médecin. Médecin qui? Médecin famille. Ah, médecin sans frontières? Non, il y en a une frontière, là. Il y a une frontière entre mon intelligence, là, hein, et puis le fait d'attendre. Regarde-moi, ça saigne. Ah, oh, mon, ça saigne. Comme du bon. Ça n'a pas de bon sens. Non, surtout, c'est le mien. Il n'y en a jamais eu de bon là-dedans. Regardez ça, c'est presque rouge. Hein? Mais non, mais on va l'appeler. Avez-vous le numéro du médecin? Oui. On va l'appeler. Monsieur comment? Monsieur Spottom. Monsieur Spottom, ça passe les proches, hein, que ce soit monsieur. Mettez l'écho, OK? Docteur? Oui? Oh, monsieur. Docteur, excusez-nous de vous réveiller à une heure si tardive, là. Oui? Docteur, j'ai été avec... j'ai oublié de me nommer. C'est Gaétan Propère. Qui? C'est pas important. Propère. Propère qui? Propage la nouvelle, là, c'est Propère. OK! On va propérer, là. Alors, on va s'endormir là-dessus, là, c'est Gaétan. OK. Gaétan. OK, on s'en est endormi. Gaétan, c'est moi, ça, Gaétan. Je ne m'en souviens même plus. je vous dérange? Oui. Ah, mon Dieu. Et parce que j'étais avec deux demoiselles, Liza et Lisa. Liza, c'est la sœur de Lisa. Nous étions en train de nous amuser. On jouait à Géoparties. Et à chaque fois que je perdais, j'enlevais des vêtements. Et j'étais rendu aux bases du vêtements quand, tout à coup, la fermeture éclair se coincèse et moi, je ne mets pas de sous-vêtements. Alors là, ça a déchiré la peau. Et vous savez que moi, je ne suis pas un cirque. Dans ma tête, oui, il y a beaucoup d'animaux, là, mais je ne suis pas circoncis. Monsieur, alors, monsieur, oui, mais oui, ben, oh, que, vous savez ce que ça veut dire? Ben, c'est un médecin, oui, si je sais pas ce que ça veut dire, c'est... Vous avez réussi votre cours en médecine? Oui. C'est par correspondance, hein? Oui. Bon. Sur des animaux? Oui. Ben, j'en suis un, ça tombe bien. Ça tombe très bien, je suis un animal très précaire. Tu me dis coucher, je me couche, moi, là. Je vais pas me coucher, moi, là. Ah oui, je dois me coucher. Ah, c'est pour arrêter le sang, hein? Bon, j'avais dit à Lisa, puis vous savez comment c'est ces jeunes demoiselles-là, hein? Ça veut même pas suivre les règlements. Puis moi, j'avais lu ça sur Internet. Parce que je suis sur la haute, moi, là. Ah, la haute vitesse. Je cours après ça, ces vitesses-là. Ah, ça fatigue. Je me sens comme un hamster. Vous savez, dans la roulette, là. Ça roule, puis ça va plus vite que moi. Quand j'ai appelé pour me combler, là, archi haute vitesse, j'ai dit, ça va-tu aller plus vite que mes doigts, ça, là? Ah, mais c'est bien certain que, mon cher monsieur, avez-vous le cerveau qui roule? Ah, ben là, j'ai le nombril, j'ai la poussière dans le nombril qui roule, là, mais comme dit le proverbe, ramasse la mousse qui pousse. Oh! Ça pousse où? Ben, dans le nombril. En fait, c'est mes vêtements qui font pousser ça. Mais c'est pas ça l'important, là, c'est que je saigne à profusion. Hein. Alors, j'ai mis 3-4 guenilles, les vêtements de mon ancienne copine. C'est juste la guenille. J'ai dit, tu t'habilles comme une gare. Elle m'a giflé. Ça n'a pas fait mal. Après le 10e, là, c'est enflé. C'est tellement enflé, j'ai comme 3 peaux, ça joue. Hein. Puis j'ai la barbe de 3 jours et demi. Parce qu'à 3 jours, ça fait mal. 3 jours et demi, on dirait que c'est une repousse adéquate pour recevoir une maudite bonne claque, sa margoulette. J'aimais ça. Là, tu sais, j'étais musclé au niveau de la babine. On m'appelait Mick Jagger. Ou comment il s'appelle, donc? le chanteur... pas égyptien, chanteur... voyons donc. Il est à nouveau, oui, à nouveau, le groupe téléphone, donc, à nouveau, Jean-Louis Aubert. J'avais la babine de Jean-Louis Aubert. Mick Jagger, Jean-Louis Aubert, même mission, hein? Attends, t'as-tu fait la babine de Ou de Johnny? Oui, c'est Johnny. Il y a la babine tellement vraie. Ouais, mais là, ça enlève pas ma... Je saigne, moi, là. Oui. Je pensais que vous étiez endormi. Vous êtes réveillé? Oui. Très heureux de le savoir. Moi aussi, je suis réveillé. Ah, c'est... Hey, avec Liza et Lisa, là. Ah, c'est... En fait, sa mère, là, c'est des jumelles. Mais comme ils avaient juste prévu un enfant, ben un prénom à un enfant, ils savaient que c'était une femelle. Donc, ils se sont dit, on va l'appeler Lisa. Mais là, il y en a eu une deuxième, 25 minutes plus tard. Là, ils sont, hey, j'ai plus d'imagination. Comment on va l'appeler la deuxième? Là, ils ont dit Liza. 2 I, 3 S. Liza. C'est comme Liza Minnelli, là. Hein? Oh, c'est... Elle chante aussi bien qu'elle. Ben, Liza, elle veut pas. Elle est gênée, Liza. Hein? L'entendez-vous? Bizarre, moi, je l'entends plus, là, parce qu'elle est partie aux trois lettres. Ben, avec moi, ça fait 4 lettres, là. Au water closet. Elle veut m'amener du papier. J'ai dit, c'est mieux du tissu. Ça absorbe plus que du papier. Là, ils connaissent pas ça, ces filles-là. Vous savez que hein, ça sort de l'université. Hein, ça a lu des cartes. Des cartes mondes. Mais non, René, ben voyons donc, toi, comment il va, René? Ça fait 2 semaines que je n'ai pas entendu parler. Non. Pas ce René-là, René Descartes. On le connaît pas, moi. Mais c'est ça, c'est le philosophe. Ah, oh, mon Dieu, il y a encore un autre pelleteux nuage. Hé, hey, toi, là, il y a Mich. Il y a Michigan? Non, Mich, là, Niche. Crépuscule des idoles. Ah, oh, mon, crépuscule de qui? Des idoles. Est-ce que je suis son idole, moi, là? Oui. Ah, merci, monsieur le docteur. Je suis au bout de mon sang, moi, là. On dirait que j'ai plus de son, j'ai plus de voix. Est-ce que ça vous énerve, ça, là? Oui. On va s'en souvenir longtemps. I was alone and content in my world, dancing on air. You sent to me a message that said, I like your style. Will you come to the temple tonight and dance for me there? I pledge to you all that you wish, the moon and the stars. Wild revelry and the look in your eyes as I dropped veil after veil was drunken desire. Now will cost you. Non, au départ, j'ai une petite phrase qui me trotte dans la tête, bon, qui définit un climat, mais surtout qui est rythmique et qui est mélodique. Et si elle reste bien, bah, j'essaye de bosser et trouver le reste. Ok. Dans le même Donc esprit. Tu la chantes sur une clé pour ouvrir ouais. des... Voilà, je me dis, tiens, ce truc-là, c'est pas mal, il faut que j'en fasse quelque chose. Quoi. Ok. Alors, ça titille. Il faut que ce soit rythmique. Quoi. Puis la musique suit après? Bah, petit à petit, ça vient. Tu trouves une grille simple, une belle harmonie, belle mélodie, un rythme. Propre. Ouais, un truc clean, tu vois, basique, clean. Voilà, t'as la chanson, une fois que t'as ça, après, bon, t'as tout, quoi. T'as plus qu'à... À jouer. Voilà. C'est... Mais toi, dans ta musique, on sent vraiment l'instrumentation qui nous ouvre vers des horizons planants, on plane, on plane. Oui, c'est ça. C'est... Faut de l'espace. On oublie aussi. Faut de l'espace. Ouais. Moi, j'essaye pas mon truc, c'est que j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour que les gens avec qui je joue, et ceux pour qui je joue, puissent avoir accès au meilleur de cette partie de moi-même, qui est okay. le meilleur de moi-même. Et qui me renvoient aussi leur meilleur de moi. Qu'on fasse un échange de ça. Ok. Et quand tu y arrives, putain, c'est cool. Tout le monde suit. Les mecs, ils se connaissent pas, ils se parlent entre eux, ils ont la banane, tout le monde écoute, c'est tranquille. C'est ça la musique. Ça sert à ça. Aimes-tu la tournée? Aimes-tu te retrouver avec tes potes, Little Bob et tout le monde? La vie de gens en tournée, est-ce que ça te saoule ou au contraire ça te plaît? Non, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, tu vis l'aventure. Avec le bus, là, tu pars. Mais ouais, bus. Voilà, t'es une bande de gamins. J'ai fait ça avec les Wampas il y a deux ans, c'était assez incroyable. T'es une bande de gamins, ouais, quoi. Ouais, c'est une bande de gamins qui fait les cons. C'est ça, exactement. Tu pars même pas en colonie de vacances, tu pars en vacances sur la route, comme ça, sans les parents. On s'autorise encore à 55 ans à jouer aux gamins. À 50 années, à jouer aux gamins. Ben oui. Ah oui. Ben attends, c'est rigolo. Ah oui, c'est ça. Pourquoi se fermer et de... Attends. C'est ça la vie, hein? C'est ça, ce truc-là. Oui. On va pas gêner, quoi. C'est de donner du plaisir et surtout bien d'avoir sûr. Du plaisir. Bien sûr. Bien sûr. Il faut vivre à fond, tu te marres, il se passe plein de trucs. En fait, tu fais des trucs incroyables. Et c'est ça qui t'amène aussi des chansons. Ouais. Ouais. Ben, ça te donne plein d'idées, ouais. plein de... Vivre des choses te ben fait... Oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Ben oui, des fêtes. Ah, putain, ça j'aurais pas pensé, mais c'est marrant de raconter ça. Quoi. Et toi qui es un ancien BDiste, hein, t'es un type qui aime bien manier la plume, hein? Ouais. C'est ça? Est-ce que tu crois sur ton album prochain, est-ce que tu vas faire des dessins, est-ce que tu vas concevoir la pochette? Je pense pas. Non? Je pense pas, j'aime bien le faire par d'autres. Ok. Pour toi, c'est fini, c'est en arrière. Ouais, en fait, si. Encore, est-ce que tu fais des dessins? Si, ouais, je dessine encore. Mais ce que j'aimerais bien, c'est faire un peu, préparer des trucs d'animation pour de l'image et des clips. Avec de la musique? Ouais. Genre un clip que tu pourrais faire? Sur ce que je fais, préparer des... Extraire ouais, une chanson de ton album pour faire un ouais, vidéo. Ouais. J'en ai une qui est faite, là. Je n'ai pas là parce que j'ai aucun exemplaire. Ok, aucun problème. On pourra voir ça sur. Voilà, je l'ai. Changer ça sur Internet. Voilà, je l'ai. Moi, je l'ai sur Facebook. Ok, oui. Là, tu pourras aller regarder. Oui. Ça s'appelle Ufiri Nabao. Ok. Voilà, c'est un truc que j'ai fait entièrement, j'ai produit moi-même, quoi. C'est un prototype. C'est en frango. Ok. C'est le français de là-bas que, oui, je, oui, oui, oui. Que je parle avec mes amis et tout. Et bien sûr, c'est un discours que vous comprenez juste entre vous, donc les gens... C'est typiquement banguissois. Oh, ok. Mais tout le monde peut le comprendre. Ah. C'est rigolo pour tout le monde. Tout le monde peut chanter ces conneries-là. Ok. Et tout le monde peut se marrer dessus. Elle a jonché dehors et de Jade Mahoutine. Elle a jonché de Sopalin et tant de larmes. Mais l'ampleur m'a fait me fissurer. Oh, de la vie, oh, de la poésie, oh, de la parodie. Petit baigneur, fais des longueurs à longueur d'Odyssée. Brasse, petit vernis, un bras raccourci. Brasse, petit gabarit. Brasse, brasse. Engloutis mes péchés véniels, mes blasphèmes en apnée. Brasse, brasse. À la jonchée d'orchidées, l'enfer de ma marraine. Elle a saupoudré de courage vénin. Elle m'a arraché un sourire. Elle m'a dit poli, polissons ces gravillons. Oh, oh, de la vie, oh, de la poésie, oh, de la parodie. Avec Yasmina, je divorce avec la grande ours aux équinoxes. Il arrive que je penche. Oh, ta vie, oh, ta poésie, oh, ta presbytie. Aux orties, de réglisse au pilori mes éclipses à la trappe rodéo corrida civière spara. A découvert le ventre à l'air, ancré dans la paix du bonheur, lancer des frisbees dans les jardins de Libreville, lancer, hop, attrape, loupé. J'fais la noce avec Yasmina. Je divorce avec la grande ours aux équinoxes. Il arrive que je penche. J'fais la noce. J'fais la noce avec Monica. J'fais la noce. Oui, oh, oh, oh, oh, oh. comme le mentionnait Jim Morrison. Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est Jim Morrison qui disait ça, là. Pas n'importe qui, là. Qui? Jim Morrison. Oh! People are strange, I'm in a baby, zine in a way, zine in a zine. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot, le verbe. C'est un mot. Musée! Le mot qui? Musée! M-U-S-E, accent aigu, E. Oh! Comme dans le musée des orfèvres, exactement. Comme dans le musée de l'imaginaire. Et ça, là, ça, cet endroit, est approprié pour tout créateur, toute personne qui veut s'envoyer... Comment? S'envoyer en l'air. Oh, oh, oh! Je veux dire, par la pensée, par le titillement de l'esprit, par le tournoiement de l'imaginaire. Oh, ça, c'est un beau musée. On y trouve des mots, des photos, des images, des structures iconiques, presque des films. Comment ça, presque des films? Ben, des films aussi, ben oui, ça dépend. Là, si vous en avez plein d'imaginaire. Normalement, moi, là, j'ai 30 images par seconde. Oh, ouais, je suis bon pour la vidéo, oui. 24 images par seconde, je suis bon pour le 35 mm, oui. Et zéro image par seconde, ben, je suis bon à rien. C'est vrai, c'est de très bon à rien. Ah, moi, là, je suis qu'un à rien. Oh, un à rien qui a rien. Ben, c'est bien. Au moins, vous le savez. Ouais. On me l'a déjà dit assez souvent. Qui, ça? Ah, mais prédé. Prédé qui? Cesseur. Oh, les cesseurs. Les cesseurs d'en haut, les cesseurs d'en bas. Puis dans le milieu, là, on m'a chauffé. On m'a chauffé la moelle. Qu'est-ce que tu allais dire? On m'a chauffé le moignon. Oh! Moignon, mais prends pas ça comme ça. Non, un peu, oui. On me prenait pour un noyau. Oh, comme dans le centre de l'univers. Ben oui. Tu parles d'un noyau, là. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, là, je me dis, ouais. Tu t'assèches. Oh, qu'est-ce que tu allais dire? J'essayais de trouver un mot avec sèche. J'allais dire, tu t'assèches voir. Oh mon Dieu. Tu t'assèches, le vieux. Oh. Tu manques d'eau. Oh. D'originalité. Ah oui, là, l'originalité, il faut en avoir, surtout quand tu es dans le monde de la création, le monde subtil et fin d'esprit qu'Errance Rinaldienne tente depuis des années et des années d'amener ici, dans cette radio communautaire. Cette radio humaniste, cette radio ouverte à toute émancipation intellectuelle. Aïe, aïe, non. Je fais la split. Regarde. Aïe, aïe. Ça, c'est la belle split. Oui, mais comment on va faire pour se déslipper? Ben oui, slip, déslipper. Mais non, c'est pas slip. C'est banana split, split, déspliter. Comment je vais faire pour déspliter? Oh. Oh, on va sortir du musée, là. Ah, oh, je suis pas capable. Comment ça? Je t'ai écarté. Oh, oh, oh! Hey, on s'écarte souvent, hein? Hey, moi, je suis devant, là, Dali, Picasso, puis en arrière, là, Kubrick. Oh, mon! Le grand Kubrick. Fait que là, je me dis, à quel pôle? Il m'en reste juste un, là, pour faire les quatre pôles, là, nord, sud, est, ouest. Là, j'ai perdu le nord. Fait que là, je me suis dit peut-être que mon ami Félix Boisclair, oh, va me le rendre. La mer du nord, par vos galops. Ça, c'est Gilbert Bécaud. Ah, on l'a, là. On l'a. Oui, monsieur, l'écho. L'oiseau est mort, vivre l'oiseau. Il y a du vin pour l'an prochain et du bon pain. Alors chante, chante, chante. Je me suis étouffé. Les gens se sont même pas rendus compte de ça. T'es vert comme une olive. C'est vert. L'olive est-elle verte? Faudrait regarder. Il y a plusieurs sortes d'olives. Hein? Il y a d'olive Parton. Oh, monsieur. Hey, ça, c'est de l'olive. Oui, mais... Elle est farcie. Oh, oh! Quelle farce avec Kenny Rogers. Ah oui, ça, je sais pas si... Ça, oh, je sais pas. Ça, c'est des éco-vedettes, là. C'est de l'intimité. On n'a rien à savoir de ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'artiste à l'état brut. C'est sa musique, ce que ces personnages-là ont à nous raconter et dans quel milieu ils veulent dévoiler leur musique. Oh, c'est... Ouais, c'est quelle sorte de musique? Ben, c'est country. Dolly Parton, country. Country rock. Country. C'est, hein, c'est... Bring. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, vas-y. On n'a pas su. Qu'est-ce qu'on n'a pas su? Ben on attend. Le public est là devant la radio. Est-ce qu'il l'a rentré dans le château symbolique de la francophonie, le mot musée? Oh, c'est vrai. C'est moi. J'étais perdu, je cherchais la porte, puis je me suis dit, exit, c'est là. Puis sorti, c'est là. C'est à quel endroit, là? Prends le francophone. Non, je vais prendre la sortie francophone. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut avoir un pourparler? Moi, c'est pour manger. Pour manger qui? Eh bien, en fait, le château symbolique se demande si... Ouais. On se demande si le mot musée va rentrer dans ce monument rénaldien. Ouais. Vous? Oh, ça a coupé court, hein? Oui, on va placer. Oui, Madame Tremblay, arrêtez de pleurer. Vous, là, séchez vos pleurs. Si tu bois d'eau, arrêtez de trembler. On l'a trouvé. Oui. Why'd you have to go and leave me out in the cold? I was too young, so how could I know? You didn't give me light when I tried to grow. And then you jetted out, took a piece of my soul. Sticks and stones may chip at your bones, especially when they hit so close to home. But I cut all the losses, buried all the skeletons, dropped all the grudges. I can be myself again. That's the past, and I'm moving on fast. And I won't blame you for the cause of collapse. They say you gotta live to forgive and forget, 'cause holding on to it is a bigger regret. All of the words they said, that debt's been paid in full. All of the things they did, I can let it go. Let it go. Let it go. I can let it go. The hate, the hurt, the fear, the pride, it all just disappears when I can see. It never mattered at all. It never mattered at all. It never mattered at all. I feel sick when I go over my resume, both at who I am and things I did yesterday. Fantasizing I could take it back, but it's a wasted act. Have to face the fact that I've got to live with the pain I've caused and walk amongst those who sustain the loss. Picking up the pieces of broken trust when the hopes were crushed down to smoke and dust. I said I didn't know and played the role beautifully. Then I abandoned you when it suited me. It's a stain that I can't erase, and I'm ashamed, but I can only ask for grace, 'cause all of the words they said, that debt's been paid in full. All of the things they did, you can let it go. Let it go. Let it go. You can let it go. The hate, the hurt, the fear, the greed, it all just disappears when we can see. It never mattered at all. It never mattered at all. Never mattered at all. None of the words they said, it never mattered at all. None of the things they did, it never mattered at all. we promise to reveal the sound of the Kiai. Now listen to the tremendous force of the scream. It is powerful enough to kill. Est-ce que tu trouves que en 2011, en 2011, il est difficile d'être être chanteur, d'être soi-même, d'être singulier, d'avoir une vision à part, parce que vous êtes très peu diffusé à la radio, à part nous à CKRL, les radios France Inter quelquefois, la nuit sous les étoiles exactement, des émissions très ciblées. Puis surtout, vous chantez assez souvent en anglais. Alors donc, peut-être que c'est un a priori pour la chanson... C'est que... Ouais. Ouais, c'est cela. Merci. Et non, c'est le business qui a changé aussi. C'est le business, c'est tout. Mais qu'est-ce qui a changé, selon toi? T'as plus de label, t'as plus rien, en fait. T'as toutes les grosses prods, toute la thune des prods, ça va, des trucs produits par les télés. Ouais. Ils produisent leurs propres trucs. Les radios sont dedans, ils ont des parts dans les labels, ça marche en circuit fermé. Hein. C'est du préfabriqué, c'est ça? Ah ben oui, bah, c'est du McDo. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est du McDo. Tous les trois mois, ça change, tu te rappelles plus de la superstar machin qui a fait un... Et ça joue 10 fois à la radio la même journée? Ah ben ouais. Ouais, c'est des trucs pour faire du blé. Quoi. Et c'est dommage, parce que la musique, enfin... Bah c'est pas ça, c'est pas que ça la musique. Mais c'est surtout pas ça, c'est autre chose. Qu'est ça? Bah, je m'en fous. C'est pas mon business, s'il y en a le convoi. Mais qu'il n'y ait pas que ça, c'est tout. J'en ai pour tout le monde. Égalité des chances pour tout le monde. Voilà. C'est tout. Maintenant, et tu reconnaîtras l'ici. Hein? Voilà. Et maintenant, chacun fait ce qu'il sent, qu'il a à faire. Pas de problème. Moi, je Mais je vous suis êtes, d'accord. Vous êtes, une île sur, vous êtes unique sur votre île. Vous, les musiciens des années 60, 70, vous avez fondé un style... là, je peux parler de M. Truand, Tony Truand, qui est de la même époque, qui est de la même vision, qui est de la même le même profil, hein, la même énergie. Ouais. Vous êtes des extraterrestres. Ben oui, mais il en faut. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Vous cadrez à aucun des préceptes. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Merci. Oui. Je m'en occupe. Mais c'est le plaisir d'être ça, quoi. Attends, comme Johnny disait, son credo à Johnny, c'est « sois toi-même ». Ok. Tu peux être ce que tu veux. Ça, « sois toi-même ». C'est la meilleure manière d'être original, puis de réinventer les choses. Et de rester, surtout, parce que mais toi, t'es un type qui a changé de formation, qui est revenu à ses anciennes amours, qui travaille en solo, c'est ça? Je me promène dans le monde de la musique. Avec plaisir, avec difficulté? Bien sûr, je rencontre des gens, je m'éclate avec des gens. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tony Allen, toi, avec qui j'ai joué, qui a joué avec moi. C'est magnifique, ça. Mais c'est quand même un cadeau. C'est un privilège. J'ai joué avec ce mec-là, qui est pour moi un des plus grands musiciens que j'ai jamais rencontré. Ouais. C'est un mec absolument génial. Et qui n'a pas la grosse tête. Ben non. Les vrais n'ont pas la grosse tête. C'est un mec bourré de talent, mais c'est incroyable. Bon, il m'a permis de jouer aussi une fois quand même, et je me suis retrouvé sur la même scène que Relema et Youssoundou, avec Tony Allen derrière. Tu fais waouh, c'est cool. T'es le petit blond. Ah oui. Rock'n'roll et tout. Et vas-y, t'envoies le truc. Et tout le monde se regarde, on se fait le gros smile, et c'est parti pour la magie. Quoi. C'est ça la musique. Et t'en faisais partie, tu sais. Bien sûr. C'était merveilleux. Et c'est ça la musique. To go back to 89 and redesign the scene. Uh-huh. I'll start with the picture in my junior high yearbook when I had a bad haircut and a weird look. And why was I such a jerk with a sharp tongue? I didn't care who would get hurt and for what. To gain the esteem of friends that I barely knew and haven't even seen since then. These things I should have long forgot, but still they can pop up and haunt your thoughts. Cause Lord knows we've all made mistakes and laid awake at night to replay the tapes, but that's dead. cut the ties. Yep. Here comes the future. Open your eyes and opportunity knocks. And you're soon to be lost. If you're scared to move, it'll pass through as you watch. So learn from the past or you're doomed to repeat it. It's a new day. Don't assume you're defeated. Join me. Let's laugh at the past. That's half of the task. If you agree, say oh yeah. Oh yeah. I wish I would've known what I know now then. Was everybody's buddy, had a thousand friends. Used to go with them away, give them place to stay. But now in hindsight, they're just wasted days. I've heard the saying, keep your enemies close. They gotta be my friends, cause they depend on me most. But nope, look who's on the ropes, getting okey-doke. Sucker punch, body slam, and grab by the throat. That's me. At the age of 18, in my late teens, had to make the break clean and start over again. Was I really their friend, or did I compensate for being shallow within? Who knows? But what I do know is this, what? Life is too short, soon you won't exist. Uh-huh. So make the best of it, start now, not later. Oh yeah, Einstein, take me out with the fader. Dizzy Dustin, oh yeah. Yourself say, and if you're digging this song, say, and if it's all about the music, and if you like Pigeon John, say, down under to the Orient, and out to the Middle East, say, yo, all across Europe, and back to Long Beach, say, if you love drum breaks, and the hip hop shows, when you're looking at the future, man, don't say no, say, hey! Back now. Bring it back. Uh-huh. Yeah. Yeah. Say yeah. Yeah. Keep it rolling now. Keep it rolling now. Uh-huh. Yeah. I wanna hear you say yeah. Woo! UD. Audacity. Right. One more time. You know. See you on stage. Good night. Suicide. To ride. feel the open wind clearing out my head. I see fertility in pretty girls I meet. I love my friend who gives me honesty. Highway in the sun. We listen to the engines run. I wanna find myself in you. You wanna find yourself too. He's a rider. He's a rider. On l'appelait Iggy, c'était mon seul ami. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. On a eu peur, hein? Il s'est presque déshabillé. Il s'est pas presque. Oh, il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé. On va vendre ses vêtements là, pour le Radioton de CKRL dans quelques semaines. Là, et préparez-vous. Oh! Qu'est-ce que vous allez vendre? Écoutez, ça reste à définir avec, avec mon amie Tania Beaumont. C'est ton amie? C'est mon amie. Qui est ça, Tania Beaumont? Ah non, Iggy Pop. Tania, c'est notre directrice de la programmation qui coordonne tout ce que vous entendez avec des amis, des personnes qui sont mandatées, hein, pour vous donner la crème de la crème. Ben, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Hey, t'as-tu eu chaud? Non. J'ai de la brise, moi, là. Quand la brise fut venue, pas d'un seul morceau de mouche ou de vermisseau, mais c'est pas le temps. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane. Elle lui laisse glisser sa vision sous des interdits inédits. Il n'y a pas de redondance là-dedans, madame? Ben oui, je crois qu'interdit et inédit, ça va ensemble. Ça va quoi? Si on chantait ensemble des mots qui nous rassemblent, si on chantait la vie et par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble des mots qui nous rassemblent, si on chantait la vie et par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour, il y a déjà oui assez de voix qui ont cessé de rire et de vouloir chanter. Ils sont assez à raconter la même histoire. Où tout est gris, où tout est noir. Tout le monde ensemble, Madame Tremblay. Ben, moi, je sais pas la, la chance, je sais pas la chance. Et chantez-les avec lui. Là. Sion, c'est comment Sion? Sion part vers là. Non, non. Sion. Et vous, là, là. Sion chantait. Oui. On peut plus chanter parce que on n'a pas la mélodie. Mais oui, si on chantait ensemble, ah c'est beau, hein? Les mots qui nous rassemblent. Allez-y, madame. Ah, j'ai pas la bouche adéquate. Bon, ok. Alors, elle lui laisse glisser sa vision sous des interdits inédits, quoique. Si on popularise tout ça, ça deviendra classique. Ça deviendra quelque chose de populaire, et quand il y a popularité, il y a succès. Succès, oui, vous avez raison, pour une fois. Je savais qu'un jour. Et c'est maintenant, c'est à cet imprécis. Et monsieur, oui, le cœur me palmate. Oh, et Pierre me palmade. Oh! Tout ensemble, tout ensemble. Reculer, avancer, chanter, danser. Reculer, avancer, chanter, danser. Reculer, avancer, chanter, danser. Quand les chansons me palmadent. Ouais, mais là, c'est. C'est bravo pour votre programme. Merci, madame. Ça nous fait plaisir, hein. C'est grâce à vous, grâce à moi, grâce à tout le monde qui se tiennent ici, collaborons ensemble. Oh! Amenons de l'esprit, il n'y en a plus. Oh mon Dieu, on va emmagasiner d'autres. À quelle heure ça ouvre? Après 2h du matin. Ben oui, mais l'émission est terminée. Ben voilà. Ça va ouvrir après la fin. Oh! C'est comme la fin, hein? Ça nous ouvre l'appétit, la fin. Ben oui. J'espère que ça t'ouvre l'appétit, sinon t'as pas faim. Hey, es-tu intelligent, lui, hein? Ça vous vient tout seul? Ah ben oui. C'est là mon grand problème, ça m'arrive tout seul. Bon, on appelle ça précoce. Oui, vous êtes précoce. Très précoce. Ah, oh, bon. C'est ma femme Gertrude qui me l'a dit la semaine dernière, encore une fois. Oh! Je suis mariée depuis 33 ans. Oh! 33 ans de précocité. Oh! 33? Ah! Quand je vais voir le médecin, là, hein, quand il m'ausculte, là. Puis il me dit, dites 33, genre, non, ça me panique, moi, là j'ai le cœur qui palmade. Ah, oh, mon Dieu, je vais plus dire 33. C'est de l'angoisse constante. Oh, et puis ça me fait arrêter le cœur. Ben voyons, faites pas ça ici, là. Non, ben non, parce que je suis sur, comment t'appelles ça, donc, cardiovasculaire, là? Hein, comment? Je suis cardiovasculaire, moi. Ils m'ont dit deuxième dent cardiovasculaire. Ça tombe, ça m'arrêtera jamais. J'ai le pacemaker fonctionnel avec de l'azote liquide. Ben voyons, j'ai jamais entendu. Ben non, je sais, on n'entend rien. C'est mon. Je l'ai mis à ouverture maximale dans l'oreille, là, puis ça sonne pas. On comprend absolument rien. Qu'est-ce que vous dites? Mais le cœur palpate. Oh! À quatre pattes? Il palpate à quatre pattes. Ah! Il rampe. Il est comme le kleps. Oh! Le kleps ras le sol. Et puis, lorsqu'il rase le sol, ben, il trouve, hein. Si tu le trouves pas à ras le sol, ça peut pas voler, ça, là. Quoique. Ouais, c'est. On me l'a déjà prescrit, hein. On m'a dit, s'il s'envole, là, c'est l'hélium. Puis, quand il y a de l'hélium, il y a de l'espoir. Dans le ciel à soir, y a pas grand chose, y'a rien à voir, y'a rien à voir, y'a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je vais pas rester sur mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Un mot que c'est dans la grosse misère. Quand je suis poigné pour m'ennuyer. Mais c'est pas parce que je suis un mammifère, puis que j'ai le sang chaud même en hiver, et que j'ai pas de besoin de calorifère, et que j'ai pas de besoin de m'amuser, et tout en faisant mon secondaire, passant les tests pour m'orienter, j'avais pas assez de vocabulaire, on m'a dit que je pourrais pas chanter. Faut-tu que je devienne un militaire, un dromadaire marié, un missionnaire impopulaire, avec des médailles l'année passée. passer le temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ben écœuré de me masturber. Je pense que devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Il y a des problèmes partout sur la terre, il faut que je commence à m'en occuper. Là, je passe toutes sortes de questionnaires, savoir ce que c'est qu'un ouvrier. Mais si ça marche pas, je boirai de la bière, je boirai assez pour me saouler. Et je serai au révolutionnaire qui boit un peu pour s'imposer. Tout en fumant mes belvédères, puis en voyant le monde à l'envers. Moi, je me le de toute manière, la bière me fait faire de l'urticaire. Y'a pas grand chose dans le ciel à soir, y'a pas grand chose, y'a rien à voir. Y'a rien à voir, y'a pas de lumière. Mais qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je veux pas rester sur mon trottoir, je vais aller danser, j'ai envie de crier. Moi, dit que c'est dans la grosse misère, quand je suis pogné pour m'ennuyer. La musique, j'ai joué comme je joue d'habitude. Mais surtout que toi, tu fais un travail éphémère, c'est-à-dire que c'est ce soir, c'est un spectacle, après ça, c'est fini, c'est pas enregistré, c'est pas capté, c'est pas filmé, donc c'est soyez là, sinon vous manquez quelque chose. Voilà, puis de toute manière, le lendemain, même si tu refais les mêmes chansons... Non, ça sera pas pareil, ce sera c'est jamais unique, la même c'est chose. Soit que t'as pas assez bien dormi, soit que t'es... Voilà, puis il y a plein de choses, quoi. Ouais, ouais. Ce le son jamais... est moins bon, le son... Voilà, ouais. Ce sera différent, ce sera ouais. Bien d'une autre manière. Alors c'est un spectacle vivant, donc il faut être là au c'est moment comme où ça. Ça... T'es vivant toi-même. Oui, oh, effectivement. T'es jamais le même d'un jour sur l'autre. Non. Ça n'existe pas, t'es pas un robot. Quoi. Non. T'es un être humain, tu fais un truc humain. Et c'est ça, c'est être humain. C'est un truc, faut être humain. Et comme tu dis, humain et soi-même. Voilà. C'est être un vrai être humain. Moi j'en ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'habitais en Afrique, parce que quand j'allais en vacances de Pâques. Moi, j'allais à la campagne, mais la campagne là-bas, chez moi, c'était les plantations. Plantations okay. De café, plantations de tabac, c'est la mousse. Avec tous les animaux, tout, hein, comme dans les films. Oh, ouais, c'est unique. Et j'allais, j'allais dire bonjour à chaque coup dans ce coin-là, aux pygmées qui habitaient dans la forêt, la tribu des pygmées, des babingas qui habitaient à côté. Qui sont les plus beaux exemplaires d'êtres humains que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. C'était les mecs. Et je pense toujours à ces mecs-là. Genre, l'exemple pour moi. L'exemple d'êtres humains. Qui sont restés eux-mêmes. Voilà. Et qui ont avec la noblesse, l'intelligence, toutes les qualités de l'être humain. Quoi. Et ces gens-là n'ont pas besoin de chef. Non. Ils n'ont pas de chef. Est-ce que tu y retournes encore? C'est un peu foutu maintenant. C'est le bazar là-bas. C'est le chaos, c'est l'enfer. Moi, j'ai grandi à 2,50 m du paradis. C'est un enfer. C'est pire que ce qu'on peut imaginer. Voilà ce que j'en ai entendu parce que là, pendant 40 ans, j'ai eu un rêve, j'étais coupé de tout. Je pourrais avoir un café, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. Merci. C'est gentil, merci. Merci. Pendant 40 ans, plus de 40 ans, j'étais coupé complètement de mes racines. J'avais plus de contact avec mes cousins d'Afrique. Quoi. C'était un genre de tribu, hein, quand même. Et il n'y a pas longtemps, avec Internet, on a fini par se retrouver. Et il y a un mois, un peu plus d'un mois, on s'est fait une grande fête de retrouvailles avec Mort. Pendant un week-end entier, on s'est retrouvés. Et c'est un rêve que j'ai eu qui était totalement improbable et il s'est réalisé. Et qui est né. Et tu vois, ouais, et quand t'as envie de vivre, t'as envie de t'éclater, t'as envie de rêver, les rêves, ils se concrétisent. Tu les réalises. Tu réalises tes rêves. Moi, j'ai réalisé plein de rêves. Plein de rêves. Les trucs, tu dis, waouh, ouais. Tu crées tes rêves et tu les vis. Ouais. Ouais, si tu veux, tu fais ce qu'il faut pour ça. Mais c'est pas toujours facile, mais ça... Ah putain, ça non. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ouais. Ça dépend comment tu veux vivre, ce que tu mets. Parce que c'est cher. Hein. C'est la liberté. Hein. Ouais. C'est la liberté, le rêve, c'est putain, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Hein. Ah, ouais. Moi je vis dans le luxe. Hein. Ouais, le luxe... Ouais, c'est un luxe absolu. Luxe quoi, d'être libre? Moi j'aime ça, quoi. Non, mais le luxe, c'est quoi? C'est d'être libre? C'est d'être... Ouais. OK. Mais ouais. C'est un gros luxe. C'est un luxe difficile. Tu payes très cher. Et t'arrêtes pas de payer. OK. mais c'est quoi pour toi la liberté? C'est quoi la... C'est... Garder mon regard sur les choses, les gens, les événements. Penser... Comme je pense que je dois penser. C'est ok. Ouais. Comme ouais, ouais. J'estime que je dois okay. penser. Sans te trahir toi-même. Non. Bref, être authentique. Voilà, dire ce que j'ai envie de dire. Talk about it because our person in charge of talking about the blues is standing here ready to take care of business. Get ready for a soulful excursion into the past, the present, and the future of our music. Check it out. a plus rien. Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle, son prénom c'est Bonnie. Ah, du fond mal du camp, parfois le nom Bonnie Parker. Clyde Bonnie. Moi aussi j'ai connu Clyde autrefois. C'était un homme loyal. C'était un garde loyal. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement aimé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. C'est très simple, vous faites Rénal de Québec en commercial hotmail.com. Vous pouvez voir le site officiel de l'errance rénaldienne en tapant sur Google errance rénaldienne. On se retrouve la semaine prochaine. Merci et bye bye. Bonne semaine. So cold. dire oui, dire non. Mais il faut être franc. Ah oui, honnête. Tu mens pas, il faut être cash. Comme ça, tu te trompes pas. Voilà, tu peux te regarder dans la glace tous les matins, t'es en te lavant, dis, bon, bah, ça va. J'ai été clean, j'ai été... Voilà, tronche de mec, carré. Ouais. Ça va. Alors, tu te sens bien avec toi-même, tu te sens bien ah avec... Ouais. C'est ça. Et c'est comme ça que tu peux évoluer. Mais ouais, et puis... te sentir libre, surtout. Mais oui, c'est ça la vie. Oui. C'est ça la vie. C'est ouais. Le reste, qu'est-ce que tu veux, le reste, c'est... C'est du provisoire, c'est du matériel. Oui, ça dure pas. C'est de l'éphémère, c'est de l'éphémère. Complètement éphémère, complètement. Ça, c'est inquantifiable. Oui. Mais c'est ça qui reste, c'est ça qui marque, c'est ça qui fait évoluer. Puis surtout qu'on est de passage ici, donc vaut mieux en profiter. Hein. Bien sûr. Et la vie, c'est le seul cadeau que tu peux avoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas quand c'est les donc, quelques heures avant la fin que... Voilà. Et donc, putain, il faut en profiter. Quoi. Es-tu déjà passé à Québec faire des spectacles? Ouais. À quelle année? Non, non, je suis jamais été. Ok, t'as jamais, ok. C'est un projet. Ah, j'aimerais bien. Un projet. J'aimerais bien. Peut-être avec ton projet solo. Voilà, peut-être. Je sais pas, mais de toute manière, il faut que j'y aille. Ok. Faut que je vois, faut que je connaisse. Est-ce que tu connais quelques Québécois ou... Non. Pas beaucoup. Hein. Ok. Pas beaucoup. Ok. Pas beaucoup. J'en ai croisé quelques-uns, mais j'en connais pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ah oui, non, non, mais écoute, il y en c'est a plein place, à connaître, voilà. C'est sur place que ça... Je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain, je vais en rencontrer plein. Ah oui, on sait pas. Donc, j'en sais rien. Ah oui. Là, pour le moment, c'est ça, j'en connais pas beaucoup, mais c'est pas bien grave. Moi, je me dis, tu finiras toujours par rencontrer les gens qu'il faut, quand il faut. Ah oui, voilà. Si t'es toi... Les choses vont se placer. Voilà, si toi, t'es dans le truc, ça se passe tout seul. Ouais. Si tu fais ce qu'il faut pour ça, ça vient. C'est vrai, il ne faut pas se prendre la tête. Puis, Bien sûr, les choses, elles se déroulent comme elles doivent se dérouler. Il n'y a pas de hasard. Quoi. Non. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que tu trouves que ta vie artistique que tu as amenée plus loin, t'as comblé, sans ça, est-ce que tu crois que ta vie pourrait être la même sans la musique, sans... Ah non. Non. Quoique, ça dépend ce que... Je crois que tout ce que j'aurais pu faire, je l'aurais fait comme ça, avec le même esprit. Mais as-tu une formation? As-tu un travail? As-tu... Les études t'ont amené où? T'ont amené à être maçon, à être révolté. Révolté de la vie? Révolté du travail? Ah ouais, révolté. Mais de quoi? De la société? Ouais, du monde dans lequel je vivais, avec lequel j'étais pas d'accord. Listen to it closely, cause it's scary and you might get confused. Choose your message wisely, cause it just might be the last thing you do. Open your eyes, hear you backwards, spinning faster, dodging like a devil dog, a goddamn madman dog. Your eyes, mad dog. Your eyes, mad dog. Speaking in tongues, got your demons fit in that blood. Chers amis, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.